Contre cet onde froid, de l'ombre à la lumière, dessine tant de croix, pêche tant de rivières, dans le train de la nuit. Qui va où, je sais pas. À New York ou Varsovie, peu m'importe, tu vois. Je cherche encore un chemin, une route. Au sud ou vers le nord, je cherche encore. J'ai prié tant de fois qu'un jour à moi s'unisse celle qui marche avec moi. Que je ne connais pas. Dans le vol de l'ennui qui m'emmène, oh, je sais pas, à New York ou dans ton lait. Peu m'importe, tu vois. Je cherche encore un chemin, une route, au sud ou vers le nord. Tu sais, moi, je cherche encore. Je cherche encore un chemin, une route, au sud ou vers le nord. Je cherche encore. Tiens-moi, tiens, bon mon amour, allez, tiens-moi, tiens, allez, tiens-moi bien, aussi loin que nous portera la route, allez, tiens-moi, tiens. Bon, mon